Chapitre 24e, Émissaire russe. Après la mort du fils de Sir Hughes Clavering, quelqu'un assura que Sir Hughes aurait à coup sûr quelques disputes avec son frère aussitôt que Archie aurait lui-même un fils héritier présomptif du titre et des domaines. Cela ne faisait pas l'objet d'un doute pour ceux qui connaissaient Sir Hughes. Il suffisait pour l'aigrir de penser que Archie aurait ce qu'il lui avait perdu. Mais cela ne l'empêcha pas de renouveler ses instances auprès de Archie pour lui faire épouser Lady Ongar. Hughes sentait que Archie, dans sa nouvelle position, pouvait demander la main d'une femme riche sans être accusé de présomption. Personne, pensait-il, ne comprendrait mieux cela que Lady Ongar, qui connaissait les affaires de la famille. Le lendemain des funérailles, les deux frères retournèrent à Londres, et durant le voyage, Hughes aborda la question. « Il ne sert à rien de rôder autour de Bolton Street, comme si c'était une jeune fille de 17 ans. »« Je le comprends bien. Il faut la presser vivement. Je vois bien cela. »« Eh bien, pourquoi ne commencez-vous pas ?»« Je croyais que vous vous proposiez d'aller la voir quand nous étions à Londres. »« J'y suis allé en effet. »« Et j'ai assez bien réussi, si l'on songe qu'au bout de quelques minutes d'entrevue, il est entré une autre femme. »« Mais vous ne lui avez pas déclaré vos intentions ?»« Non, pas précisément. Avec une veuve comme elle, on ne peut pas brusquer les choses. » La mort d'Ongar ne remonte qu'à 6 mois. Il faut un peu de discrétion. Écoutez-moi, Archie. Vous ferez bien de laisser la discrétion de côté et de lui faire connaître franchement vos intentions. Vous pouvez être sûr qu'elle ne pensera pas à son ancien mari si vous n'en parlez pas. Quelle est donc cette femme que vous y avez rencontrée? Cette petite franco-polonaise, la sœur de cet homme qui... Elle s'appelle Sophie Gordeloup. Elles sont amies intimes. « C'est la sœur de ce comte ?»« Oui, sa sœur. »« Dieu, quelle langue !»« Elle vous a tant blâmé de laisser Hermione seule à la campagne. »« Au diable, la femme ! De quoi se mêle-t-elle ? C'est Julie qui est cause de tout cela. »« Non, je ne le crois pas. Julie n'en a pas dit un mot. »« Mais on n'a jamais vu pareil caquet. »« C'est une vieille, laide, hideuse petite créature. »« Elles sont toujours ensemble. »« Si vous n'y prenez garde, Julie sera mariée au comte avant que vous ayez eu le temps d'y penser. » Archie se demande alors s'il ne ferait pas bien de confier à son frère ses projets par rapport à Julie. Son ami de cœur, le capitaine Boodle, lui avait conseillé de gagner Madame Gordeloup à prix d'argent et de s'insinuer avec son aide dans le cœur de Julie. À son retour en ville, il se proposait d'engager la partie et il avait déjà recueilli des fonds. Il en coûtait beaucoup à Archie de se défaire de son argent, mais dans ce cas, l'amertume du sacrifice serait adoucie par la pensée que c'était une bonne spéculation. Il s'était donc procuré des fonds avec quelques difficultés et était prêt à entrer en négociation avec Madame Gordeloup. Il s'était déjà procuré son adresse et, grâce à la rare perspicacité de son ami, avait découvert que c'était une émissaire à la solde de la Russie. Rien n'égala sa surprise quand il apprit ce secret, qui n'en était plus un depuis longtemps, car à tort ou à raison, on prêtait depuis 12 ans ce rôle à Sophie. Mais Archie, quand ce bruit arriva à ses oreilles, se crut initié au mystère de la diplomatie européenne. Son estime pour Sophie s'en accrut de 1000%. Assurez-vous son concours, dit Boodle, et tout ira bien. Archie avait résolu de profiter des conseils de son ami, mais la nécessité de remplir sa bourse lui causait un terrible embarras, et il commença à penser que ce serait fort heureux pour lui s'il obtenait quelques subsides de son frère à cet effet. S'il pouvait lui faire comprendre l'immense avantage d'une alliance avec l'émissaire de la Russie, naturellement, il rembourserait ses avances quand la négociation aurait heureusement abouti. Et puis avoir affaire avec un émissaire féminin, cette pensée seule souriait au capitaine Clavering. Madame Gordeloup n'avait guère conservé les grâces de son sexe. Elle n'avait pas davantage la distinction d'une lady. Mais Archie était infiniment plus heureux d'avoir à traiter avec elle que s'il se fût agi d'un espion de l'autre sexe. L'intrigue en serait plus mystérieuse et il n'était pas donné à tout le monde de pouvoir employer dans ses affaires d'amour un agent politique de la Russie. Il allait se hisser au niveau, sinon de Talleyrand, au moins de Palmerston. Fallait-il en parler à son frère? S'il pouvait lui arracher les fonds nécessaires pour mener l'affaire à bien, tout irait à merveille. Mais il hésitait. Hughes était dur, dépourvu d'imagination et peut-être même refuserait-il de croire le premier mot de ce récit. Hughes ne croyait guère que ce qu'il voyait et gardait avec un soin jaloux son coffre-fort. « Cette Madame Gordeloup est sans cesse avec Julie, » dit Archie, en guise de préambule avant d'exposer son plan. « Il va sans dire qu'elle servira les intérêts de son frère. »« Je n'en suis pas bien sûr. Ces femmes étrangères ne sont pas toujours comme les autres. Elles ont d'autres procédés et s'insinuent plus avant. Dans les poches des autres, voulez-vous dire. Elles jouent un jeu serré. Voyons, que pensez-vous qu'elles soient ? Archie fit cette question à voix basse en se penchant vers son frère, bien qu'ils fussent tout seuls dans le wagon. Ce qu'elle est ? Une voleuse d'une certaine espèce, probablement. Je la crois capable de toutes les friponneries. Eh bien, c'est une émissaire de la Russie. Elle ? Voilà 10 ans que j'entends dire cela. Toutes les vieilles françaises qui sont à Londres sont des agents de la Russie, à en croire les gens. Mais les Russes savent faire de leur argent un meilleur usage, et quand ils veulent des agents, ils s'adressent à meilleure enseigne. Archie trouva qu'il y avait de la cruauté à s'exprimer ainsi, mais il ne dit rien. Son frère était stupide, entêté et tout à fait incapable de mener une intrigue. Il devenait évident pour lui que son frère ne lui avancerait pas un sou pour l'aider dans ses projets. Mais il se consolait dans la pensée qu'il aurait seul la gloire du triomphe. Tout au plus, la partagerait-il avec son ami Boodle, et il laisserait de côté son têtu de frère, qui ne voulait pas croire à la mission diplomatique de Madame Gordeloup. Ils ne se parlèrent plus jusqu'à l'arrivée du train, et quand ils entrèrent ensemble dans l'hôtel de Berkeley Square, Sir Hughes jura que ce serait la dernière année qu'il hébergerait son frère à Londres. L'année prochaine, il chercherait un autre logis où il s'en passerait. Archie se rendit à son club. Il fut décidé entre lui et Boodle que la première visite à Madame Gordeloup se ferait le lendemain matin. Après une longue délibération, il convint de préparer les bois par une note diplomatique. Cette note fut rédigée par Boodle et copiée par Archie. Elle contenait ce qui suit. Le capitaine Clavering présente ses compliments à Madame Gordeloup et a l'intention de passer chez elle demain à midi si 7 heures lui convient. Le capitaine Clavering désire consulter Madame Gordeloup sur une importante affaire. « Me consulter ?» se dit Sophie en recevant cette lettre. « Pourquoi veut-il me consulter ? C'est cet idiot que j'ai vu chez Julie. Eh bien qu'il vienne !» Le commissionnaire qui avait apporté la lettre remporta un billet de Madame Gordeloup par lequel elle accordait l'entrevue demandée. Archie, en recevant un billet d'un émissaire de la Russie, se crut élevé au rang d'un diplomate et le garda précieusement comme un trésor. Il se mit ensuite à examiner avec son ami la manière dont on commencerait l'attaque. Boodle craignait quelque maladresse de la part d'Archie, et le fâcha presque à force de lui répéter ses avis. « Il ne faut pas, lui dit-il, lui jeter votre argent à la tête. »« Assurément non, mais le moment venu, je lui glisserai les billets à la main, en la lui serrant un peu. »« Il vaudrait mieux les laisser près d'elle sur la table, croyez-vous ?»« Certainement, cela se fait toujours ainsi. » « Mais peut-être elle ne les verrait pas et ne saurait pas d'où cela vient. »« Que cela ne vous inquiète pas. »« Mais il faut que je lui fasse comprendre ce que j'attends d'elle en retour. Je ne vais pas lui donner 20 livres pour rien. »« Il faut lui expliquer l'affaire tout d'abord, lui dire que vous comptez sur son aide et qu'elle trouvera en vous un ami reconnaissant. N'oubliez pas cela. »« Je ne l'oublierai pas. Je crois que c'est en effet un bon moyen. »« C'est le seul bon, à moins que vous ne vouliez la voir appeler le domestique pour vous mettre à la porte. » Cela va de soi parmi les gens qui font ce métier-là. Je vous dirais de lui offrir des bijoux, si ce n'était pas un agent politique de la Russie. Mais elle comprend si bien son affaire que vous pouvez hardiment aller de l'avant. Mais encore, il faut-il de la réserve et des précautions. Oh, cela va sans dire. En lui déclarant qu'elle trouverait en moi un ami reconnaissant, je déposerai sur la table 4 billets de 5 livres en les aplanissant avec la main, comme cela. Boodle accompagnait ses paroles du geste en passant la main sur des feuilles de papier à lettres. « Voilà la manière, continua-t-il. Si vous lui mettiez les billets à la main, elle pourrait se croire obligée de paraître fâchée. Mais elle n'a aucune raison pour cela, du moment que vous mettez votre argent sur sa table. S'il ne lui plaît pas de se prêter à votre jeu, elle n'aura qu'à vous dire que vous avez oublié quelque chose chez elle en partant. Mais cela n'est pas à craindre. Je n'en sais rien. Elle peut avoir les mains pleines déjà, ou bien elle peut trouver que vous n'allez pas assez haut. Mais je me propose d'y revenir, cela va de soi. Ah, je le crois bien. Mon opinion est qu'il lui faudra bien 200 livres avant la fin du mois prochain, si vous voulez qu'elle vous serve bien. » Un peu plus tard, vous lui donnerez à entendre qu'elle recevra une certaine somme après le mariage. « Et s'il venait à prendre mon argent sans rien faire pour moi ?»« Oh non, cela n'est pas possible. Ces personnes-là gâteraient leur métier si elles agissaient de la sorte. Si elles trouvent que cela en vaille la peine, elle vous servira bien. Mais il faut de la prudence, rappelez-vous cela. » Archie, entendant ce mot pour la 100e fois, fut tenté de se fâcher et sortit pour aller se coucher. Le lendemain matin, il fit sa plus belle toilette et, à midi sonnant, frappa la porte de Mount Street. Il s'imaginait que les personnes de cette classe étaient pointueuses en fait d'exactitude. Il n'était pas impossible que Madame Gordeloup dût avoir une entrevue à 1h30 avec l'ambassadeur de France ou un émissaire du pape. Il avait résolu de ne pas ôter son gant de la main gauche et il avait mis ses billets dans la paume de cette main, pensant qu'il les trouverait plus vite s'il en avait besoin que dans la poche de son gilet. D'une main tremblante, il souleva le marteau de la porte et éprouva un soulagement notable en se trouvant seul dans la pièce où on le fit entrer. Il se mit à étudier les lieux. L'idée lui vint de mettre des billets de banque dans quelques cachettes en ce moment même. Un coin du canapé lui parut être l'endroit où elle s'asseyait d'habitude. Il profita du moment pour placer près de là un fauteuil pour lui, à proximité de la table où il déposerait les billets. Puis ce fut une autre inspiration qui lui traversa l'esprit. Il s'agissait de mettre ses billets dans les pages d'un livre, mais pendant que cette idée lumineuse occupait son esprit, il se trouva en présence de Madame Gordeloup. Il ne fut pas longtemps à s'apercevoir que l'émissaire de la Russie était fort sale et qu'elle était coiffée d'un bonnet de nuit. Mais il l'aimait mieux comme cela. Une femme jouant un tel rôle ne pouvait ressembler dans son costume aux autres femmes. Si cela était possible, elle devait être couverte de diamants et de pendants d'oreilles. Mais à défaut de ce costume, le seul qui convint pour une soirée à une femme diplomate, un bonnet de nuit fripé, un peignoir blanc sale, de vieilles pantoufles en drap et des bas qui n'étaient rien moins qu'immaculés, composait un costume des plus convenables, pour le moment. « Ah, dit-elle, vous êtes le capitaine Clavrine, je m'en souviens maintenant. Je suis le capitaine Clavrine. J'ai l'honneur de vous rencontrer chez Lady Ongar. Et maintenant, vous voulez me consulter sur une affaire de très grande importance. Très bien, vous pouvez me consulter. Voulez-vous vous asseoir là ?» Madame Gordeloup lui indiqua un fauteuil en face d'elle et très éloigné de l'endroit commode qu'il avait disposé sur la table pour y déposer ses billets de banque. Près du fauteuil qui lui était assigné, il n'y avait pas de table et il sentait qu'exposé au feu de ses yeux perçants, il ne pourrait pas engager la lutte dans de bonnes conditions. Aussi, en dépit de l'ordre précis de Sophie, voulut-il essayer de prendre le siège sur lequel il avait fixé son choix, mais il n'y put réussir. « Ici, lui dit-elle, ici vous serez mieux. » Il dut obéir et s'assit au milieu d'un océan de tapis sans point d'appui pour manipuler ses billets et sous le coup de ses terribles regards. « Maintenant, dit-elle, vous pouvez commencer. De quoi s'agit-il ? » « De quoi s'agissait-il ? » C'était là la grande difficulté. En s'occupant de la manière d'offrir les billets de banque, les deux capitaines avaient oublié le point le plus délicat de la négociation. Comment lui faire comprendre ce qu'il attendait d'elle ? L'essentiel était d'éviter toute gaucherie. « Eh bien, dit-elle, d'un ton où il y avait un peu de mauvaise humeur. Son temps, sans doute, était précieux. « Eh bien, je crois, madame, que vous connaissez la belle-sœur de mon frère, Lady Ongar. Comment ? Julie ? Sans doute, je la connais. Julie et moi sommes de grandes amies. C'est ce que je croyais. C'est pour cela que je suis venu la trouver. Bon, et puis, Lady Ongar est une personne que je connais depuis longtemps et pour qui j'ai une véritable, je puis dire une profonde, considération. Ah, je vous crois. Elle a de belles rentes, un fort beau parc, des milliers de livres sterling de revenus. Si j'étais un homme, je crois que j'aurais aussi pour elle une grande considération, assurément. C'est une bien belle personne, n'est-ce pas ? Ah, si vous l'aviez vue à Florence, comme je l'ai vue pendant les longues soirées d'été, sa belle chevelure abandonnée au souffle de la brise. Elle restait des heures entières à regarder les étoiles. Avez-vous vu les étoiles en Italie ? Le capitaine Clavering ne pouvait répondre affirmativement, mais il avait vu les étoiles briller d'un vif éclat en Norvège, quand il y faisait des parties de pêche. Ou bien elle regardait la lune, continua Sophie, sans faire attention à sa réponse. Ah, voilà ce qui s'appelle vivre. Et son mari, le riche lord, se mourait dans une petite chambre. C'était bien triste. « Capitaine Clavrine, mais quand elle regardait la lune avec sa chevelure au vent ?» Et en disant cela, Sophie porte à la main son bonnet de nuit crasseux. « Alors, vous dis-je, elle ressemblait à une madeleine. » C'était tout à fait cela. L'exactitude du portrait et la nature de cette comparaison échappèrent peut-être à Archie. Mais Sophie comptait plus sur le ton de sa voix que sur le sens de ses paroles, et tout ce qu'elle s'était proposé était de lui délier la langue. « Vraiment, Madame Gordeloup, j'ai toujours eu pour elle une vive admiration. Eh bien ? » L'ambassadeur de France, pensa Archie, était peut-être sur le point d'arriver, et le moment était venu pour Archie d'entamer son affaire. « Vous me promettez de garder mon secret si je vous le confie. Est-ce à moi que vous demandez cela ? M'a-t-on jamais vu trahir le secret d'un gentleman ? Je ne le pense pas. Si vous me confiez un secret, il sera bien placé. Si vous ne voulez pas me le confier, à votre aise. Sans doute, je vais vous le confier, c'est ce qui m'amène ici. Eh bien, parlez donc. Je ne suis pas une jeune fille. Vous n'avez pas besoin d'être si timide. Je sais que 2 et 2 font 4. Certains gens prétendent que cela fait 5. Dites donc ce que vous avez à dire. Je veux demander la main de Lady Ongar. Ah, vraiment ? Et ses milliers de livres de rente et son beau parc aussi ? Mais ses beaux cheveux valent mieux que son argent, n'est-ce pas ? Vous le savez, le tout va ensemble. Et c'est fort heureux. Si les deux étaient séparés, lequel choisiriez-vous ? La petite femme eut un sourire sarcastique en faisant cette question. Et si Archie eût connu son caractère, il aurait dû de suite se mettre à l'aise avec elle. Mais il était tout déconcerté et balbutia quelques mots sur la sincérité de son amour pour Julie. « Ainsi, vous voulez vous faire épouser par elle ? Oui, c'est cela. Et vous voulez que je vous aide, précisément ? Eh bien, sur mon honneur, si vous voulez me prêter votre aide et mener à bien cette affaire, vous trouverez en moi un ami reconnaissant, un ami très reconnaissant, je vous le jure. » Et Archie, ne pouvant étaler ses billets de banque sur une table, commença à fouiller avec son index dans le gant qui recouvrait sa main gauche. « Qu'est-ce que vous avez donc là ? » demanda Madame Gourdeloup en le regardant de toute la puissance de ses yeux. Le capitaine s'arrêta aussitôt et se trouva dans un terrible embarras. Elle avait fait cette question d'une voix très sèche et il crut que s'il allait produire son argent de cette manière gauche et maladroite, qui lui paraissait désormais nécessaire, elle donnerait libre cours à toute l'indignation dont elle était capable. Ne ferait-il pas mieux de laisser son argent tranquille pour le moment et de s'en tenir à sa promesse de reconnaissance, comme il se prit à souhaiter d'avoir glissé au moins un de ses billets dans les pages d'un livre ? « Qu'est-ce que vous avez là ? » reprit-elle d'un ton plus sec encore. « Oh, rien, ne dites pas cela, qu'est-ce que c'est ? Si vous n'avez rien, ôtez votre gant, allons ! Ce sont quelques billets de banque que j'ai mis là pour les avoir sous la main. » « Ah, c'est ce qui s'appelle avoir l'argent sous la main. Certainement, c'est la première fois que je vois cela. Voyons un peu. » Elle lui prit la main et de ses doigts crochus extirpa les billets. « Ah, 5, 10, 15, 20 livres. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est bon à prendre quand on en a besoin. Justement, il me faut cette somme. Peut-être voudrez-vous la mettre à ma disposition. Sur ma parole, je serais trop heureux. Rien ne me saurait me faire plus de plaisir. » Pour moi, 50 livres me ferait plus de plaisir, 2 fois plus de plaisir. Archie avait commencé par se réjouir de la tournure qu'avait prise l'affaire. Il avait trouvé que Sophie faisait bien les choses. Mais à présent, il commençait à craindre qu'elle ne les fît trop bien. « 20 livres dans ce pays-ci, continua-t-elle, ne font pas long feu. Vous êtes tous si riches. Sur mon honneur, je ne suis pas riche. Je ne le suis pas du tout. Mais vous voulez le devenir, grâce à l'argent de Julie. Oui. Et puis vous devez savoir que je suis maintenant l'héritier du domaine et de la famille. Oui, le pauvre petit bébé est mort, malgré les pilules et les médecins. Pauvre enfant. J'ai eu autrefois un petit garçon, moi aussi, et il est mort. » Là-dessus, Madame Gourdeloup, portant la main à ses yeux, essuya une vraie larme avec les billets qu'elle tenait encore à la main. « Dois-je rappeler à Julie que vous êtes l'héritier présomptif ? Elle sait déjà tout cela. Je le lui dirai tout de même. Ce sera toujours quelque chose. » Et dois-je lui poser la question à elle la première ? Je ne sais trop. Comme vous êtes si habile, peut-être ferez-vous aussi bien. Et tout de suite ? Oui, certainement, tout de suite. Vous comprenez, Madame Gourdeloup, il y en aura tant qui viendront bourdonner autour d'elle. Et plus d'un aura plus de 20 livres sous la main. Plus d'un saura mieux bourdonner que vous. Il va sans dire que je regarde ces 20 livres comme une petite gracieuseté pour commencer. Ah, je vois, pour commencer. Cela doit continuer et aller en progressant. En progressant, que voulez-vous dire ? Je veux dire, quand la gracieuseté deviendra-t-elle un peu plus considérable ? 20 livres, voyez-vous, il y a tout juste de quoi acheter quelques paires de gants, rien de plus. Ni plus ni moins, vous avez raison, dit le pauvre Archie. Eh bien donc, quand augmenterez-vous la somme ? Écoutez un peu. Julie a 7 000 livres de revenus par an. Et avez-vous vu son beau parc ? Et si vous pouviez lui gagner le cœur et l'amener voir la lune et les étoiles ? Ou alors ? Eh bien, quand monteront les enchères ? 20 livres, j'en suis honteuse, voyez-vous. Quand est-ce que vous la verrez, Madame Gourdeloup ? Elle, je la vois tous les jours. J'irai chez elle aujourd'hui, demain et après-demain. Vous pourriez lui glisser un mot tout de suite cet après-midi. Comment, pour 20 livres? Il s'agit de 7 000 livres de revenus et vous m'opposez 20 livres? Fi donc, capitaine Clavering. C'est tout juste assez pour que je vous parle à vous, 20 livres. Allons, comment apporterez-vous 50 livres? Tu Dieu, 50? Mais oui, 50, pour une seconde entrée en matière. Comment? Vous aurez 7 000 livres de rente et vous lésinez pour 50 livres? Voulez-vous m'apporter demain 50 livres? Archie, dont le front était inondé de sueur et qui désirait sortir au plus vite, promit de revenir le lendemain avec la somme demandée. Tout juste pour une seconde entrée. Et maintenant, bonsoir, capitaine Clavering. Je ferai mon possible auprès de Julie. Elle a beaucoup d'affection pour moi, et je crois que vous avez bien fait de vous adresser ici. Mais 20 livres, pour commencer, c'est trop peu, dit la mercenaire intrigante, la coquine avide et cupide de la race des harpies. Archie, en regardant ses yeux gris, il lisait sa cupidité féroce et éprouvait un frisson. S'il ne réussissait pas auprès de Julie, combien allait lui coûter cette excellente personne? Aussitôt qu'il fut parti, elle fit une effroyable grimace, haussa les épaules et se promena de long en large avec son peignoir crasseux. En pensant à la stupidité de son visiteur, elle n'en pouvait revenir. Il lui paraissait monstrueux qu'un homme pût être ainsi insensé, lors même qu'il en faisait son profit. Croire qu'il pourrait se faire épouser par une femme ayant 7 000 livres de rente, cela passait toutes les bornes de la folie présomptueuse. Archie, en s'éloignant de Bond Street, n'éprouvait pas précisément un sentiment de triomphe. Il s'était montré gauche, lent, embarrassé, et la polonaise à bulle dessus. Il le sentait, et il sentait aussi que son sagace Boodle s'était mépris. En tout cas, il n'avait pas eu de peine à se défaire de son argent. Sophie lui avait évité tout embarras et n'avait montré aucun scrupule. Il reconnaissait hautement son habileté, mais il commençait à craindre que ses services ne lui coûtassent trop cher. Il se rappelait le ton déterminé dont elle avait demandé les 50 livres comme une seconde entrée en matière. Ensuite, il ne pouvait s'empêcher de songer combien elle avait parlé de la question d'argent et combien peu du concours qu'elle devait lui prêter en retour. Aucun plan n'avait été proposé, aucune date fixée, aucun moyen indiqué pour servir son amour. Il avait payé 20 livres et s'en était vu demander 50 de plus. Il devait les apporter demain. Qu'arriverait-il si elle venait à demander 50 livres tous les jours et à déclarer qu'elle ne pouvait rien faire à moins? Boudel lui avait bien dit que ses agents russes faisaient bien ce pourquoi on les payait. Mais le tarif auquel Madame Gordeloup mettait ses services lui paraissait tout à fait au-dessus de ses moyens. Il faudrait absolument en venir avec elle à fixer un taux définitif. Ses 20 livres étaient perdus. Ne ferait-il pas mieux de s'entendre avec elle avant de remettre les 50 livres? Mais en songeant à tout cela, il sentait qu'elle était beaucoup trop habile pour le laisser faire à sa guise. S'il entrait chez elle avec ses 50 livres dans ses poches ou dans ses gants ou ailleurs, elle saurait les lui arracher, quelque décidé qu'il fût à conclure avec elle une convention préalable. Ce qu'il éprouvait pour les talents de Sophie était presque de la vénération, mais une vénération mêlée de crainte. Malgré tout cela, il crut devoir prendre un petit air triomphant en rejoignant Boodle au club. Il avait, lui dit-il, vu l'émissaire russe, lui avait donné 20 livres et l'avait enrôlé à son service. Il se garda bien de raconter l'histoire du gant et la manière dont l'argent lui avait été soutiré. Mais il ajouta qu'il devait revoir Madame Gordeloup le lendemain et qu'il se proposait de lui porter encore une somme de 50 livres. « Sur ma parole, vous allez bon train, » dit Boodle d'un ton d'envie qui fit éprouver à Archie un plaisir infini. On lui portait envie, il avait bien droit de se réjouir.